Exercice 14, page 133. Je me suis inventée avec toi une vie bien différente. Ici, tous les matins, je monte dans un wagon surchargé de voyageurs, déjà fatigués et de mauvaise humeur. Il me faut une heure de trajet pour rejoindre mon lieu de travail.